c'est fini, nous deux. Puisque l'amour s'en va, et reflorer les lilas.

Simon Mix Live, musique et lumière. Mix avec un E, live.fr. Time with a poor man's lady, itching on a twilight train. nothing here that I care to take along. Maybe a song to sing when I want. Don't need to say please to no man for a happy tune. Oh, I love my rosy child. You got the way to make me happy. You and me, we go in style. Crackling rose, your store-bought woman. But you make me sing like a guitar humming. So hang on to me, girl, a song keeps running on. Play it now, play it now, play it now, my baby. Crackling rose and make me a smile. Girl, if it lasts for an hour, that's alright. 'Cause we got all night. Set the world right. Find us a dream that don't ask no questions, yeah. Oh, I love my rosy child. You got the way to make me happy. You and me, we go in style. Cracklin' Rose, your store-bought woman. But you make me sing like a guitar humming. So hang on to me, girl, a song keeps running on. Play it now, play it now, play it now, my baby. Cracklin' Rose and make me a smile. Girl, if it lasts for an hour, well, that's alright. 'Cause we got all night. Set the world right. Find us a dream that don't ask no questions. Ba ba ba ba ba. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Past your window last night, I rode right in the middle of a good dream. Like all at once I wake up from something that keeps knocking at my brain. Before I go insane, I hold my pillow to my head and spring up in my bed, screaming out the words I dread. I think I love you. I think I love you. This morning I woke up with this feeling I didn't know how to deal with, and so I just decided to myself I'd hide it to myself and never talk about it, and did not go and shout it when you walked into the room. I think I love you. I think I love you. Isn't that what life is made of? Though it worries me to say that I never felt this way. I don't know what I'm up against, I don't know what it's all about. I got so much to think about. Hey, I think I love you. So what am I so afraid of? I'm afraid that I'm not sure of a love there is no cure for. I think I love you. Isn't that what life is made of? Though it worries me to say I never felt this way. You really don't have to worry, I only wanna make you happy. And if you say hey go away, I will. But I think better still, I'd better stay around and love you. Do you think I have a case? Let me ask you to your face. Do you think you love me? I think I love you. I think I love you. I think I love you. I think I love you. I think I love you. Quand vous dansiez en ce temps-là, pas besoin de pédale wah-wah. C'était pas la bossa nova, mais ça remuait bien déjà. Les caves étaient profondes et la ronde ne s'arrêtait pas. Un vieux piano bastringue et les dingues tournoyaient déjà. Et Juliette avait encore son nez, Aragon n'était pas un minet. Sartre était déjà bien engagé. Au café de Flore, y'avait déjà des folles. Et mon père venait de débarquer, il hantait déjà les boutiquiers. Dans sa chambre, on croquait du café. Il ignorait qu'un jour j'en parlerai. Quand vous flirtiez en ce temps-là, vous vous touchiez du bout des doigts. La pilule n'existait pas, fallait pas jouer à ce jeu-là. Vous vous disiez je t'aime, parfois même vous faisiez l'amour. Aujourd'hui deux salades, trois tirades, c'est l'affaire qui court. L'oncle Adolphe s'était déjà flingué, son Eva l'avait accompagné. Des fois qu'il aurait voulu draguer, qui sait si là-haut il n'y a pas des folles. Et mon père allait bientôt planter cette graine qui allait lui donner ce débile qui essaie de chanter. Il ignorait que viendraient mes cadets. Quand vous chantiez en ce temps-là, l'argent ne faisait pas la loi. Les hit-parades n'existaient pas, du moins ils n'étaient pas de bois. Tu mettais des semaines, parfois des années. Si t'avais pas de trim, ta boutique tu pouvais la fermer. Et traînait avait mis des années, et Brassens commençait à en baver. Et Beko astiquait son clavier, Monsieur Brel ne parlait pas encore des folles. Et mon père venait de débarquer, là où restait quelque humanité. Là où les gens savent encore parler de l'avenir, même s'ils sont fatigués. Et Juliette avait encore son nez, et Aragon n'était pas un minet. Sartre était déjà bien engagé, au café de Flore y avait déjà des folles. Et mon père venait de débarquer, là